Voici maintenant une capsule de la série La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. Le pèlerinage à San Damiano. Bien que Joseph Michel ne soit pas encore persuadé que sa fille soit réellement sous l'influence du démon, il se rend avec elle en pèlerinage à San Damiano. Même si les troubles que présente Annelise relèvent d'une maladie somatique ou psychique et non d'une possession au sens théologique du terme, il ne peut être que bénéfique de prier la Vierge pour son intercession. À la vue de la chapelle du lieu saint, Annelise se dit incapable d'en approcher car elle sent le sol lui brûler la plante des pieds. Elle affirme également entendre tous les pèlerins grincer des dents pendant qu'ils prient. Et les images de saints lui apparaissent si brillantes, si lumineuses, aveuglantes même, à un tel point qu'elle ne supporte plus de les regarder. Alors qu'on lui propose de boire de l'eau d'une fontaine réputée miraculeuse, elle refuse catégoriquement, en arguant du fait que cette eau la brûle. Son père, prêt à tout essayer, lui achète une petite médaille à porter autour du cou en guise de protection, mais Annelise l'arrache de suite, en disant que la médaille l'oppresse, l'empêche de respirer. Lors du retour en autocar vers Klingenberg am Main, Annelise se met à parler avec une voix qui n'est pas la sienne, une voix grave et forte, une voix d'homme. Par ailleurs, une odeur pestilentielle semble émaner directement de son corps, une odeur décrite par quelques passagers comme un mélange de brûlé et de matière fécale. Oui, des passagers affirme effectivement avoir senti cette puanteur, ce qui a priori amènerait à rejeter l'hypothèse, séduisante car facile, d'une hallucination olfactive de la jeune femme. Le bilan de ce bref pèlerinage est pour le moins mitigé. Annelise réagit de plus en plus violemment à toute évocation d'objets sacrés, et même si les symptômes semblent s'être atténués pendant les 2 à 3 semaines suivant le retour de San Damiano, l'accalmie n'est que trompeuse et les manifestations, fatigue, apparition des visages démoniaques recommencent de plus belle. D'où un nouveau rendez-vous avec le docteur Siegfried Lüthi le 3 septembre 1973. Pour la première fois, semble-t-il, Annelise parle ouvertement avec le médecin de ses fratzen et avoue être persuadée que le diable a dorénavant élu domicile en elle. Quand le neurologue lui demande de préciser ce qui lui fait reconnaître le diable dans ses visions, elle reste silencieuse, comme si l'évidence ne lui semblait pas devoir être expliquée. Selon le témoignage de la mère, le 2 juillet 1976, le docteur Lüthi aurait, lors de cette consultation et suite aux révélations d'Annelise, conseillé une consultation auprès d'un jésuite, ce que niera catégoriquement le neurologue lors des audiences devant la cour, s'appuyant sur le fait que la possession diabolique n'est pas un concept médical. Le médecin a-t-il ou non ouvert une porte vers la foi et donc indirectement vers l'exorcisme? Dans l'affirmative, l'a-t-il fait dans le but de tenter une autre approche de la maladie d'Annelise, ce qui serait louable, ou dans celui de se débarrasser avec ironie d'une patiente qui ne l'intéresse plus, ce qui le serait pas mal moins? Nul ne le sait, mais une chose est sûre, les espoirs de la famille Michel se déclinent de plus en plus à l'ombre d'un crucifix. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme » d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou.